Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, 1989, le début de la fin de l'histoire. Une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a des commémorations, des souvenirs et des dates sur lesquelles on bute. Des pays qui disparaissent, d'autres qui naissent, et la fin d'un monde conduit par la guerre froide. Un mur qui tombe à Berlin alors que personne ne s'y attend, et d'autres villes en ébullition. Alors pour commencer, les personnages. Un jeune étudiant qui se souvient, un pasteur qui y était, une interprète, de jeunes croyants pacifistes, un historien qui décode, une historienne sur le vif, un ancien punk et un photographe qui revient sur ses pas. Ensuite le décor. Bac, des déjeuners de famille, la soviétologie, des manifestations, le souvenir de la guerre, l'église comme un espace de liberté, un musée, une statue, Dresde, un séminaire de théologie, les 9 novembre et la Stasi. Aujourd'hui, deuxième épisode, un peu de tourisme. 1989, le début de la fin de l'histoire, le mur est tombé à Leipzig, par Alain Lefkovitch et Guillaume Baldi. Ce week-end à Leipzig, c'est en plus un festival Bach, donc la ville qui est déjà très touristique, et tout particulièrement en ce moment, d'où toutes ces personnes qui passent avec leurs valises à petites roulettes. Alors évidemment, c'est la ville de Bach, avec la Thomaskirche, l'église où il a été cantor. Et cette mémoire de Bach est un des éléments importants d'ouverture internationale de la ville de Leipzig. Caroline Moine. Ensuite, il y a aussi en fait les grandes foires qui ont lieu depuis le Moyen-Âge ici à Leipzig, qui ont lieu après 45, au printemps et à l'automne. Et à cette occasion, il y a plein de personnes qui viennent de l'Ouest aussi, beaucoup de journalistes qui viennent de l'Ouest, puisque pour le régime est-allemand, c'est une vitrine de la modernité du régime, ces grandes messes. Et il y a une dimension commerciale et aussi effectivement toutes les inventions, toute la modernité et la modernisation de la société est-allemande avec certaines voitures qui vont être en partie exportées, ces produits, et pas toujours rendu accessible d'ailleurs aux Allemands de l'Est eux-mêmes. Donc c'est vraiment là le principe de ce qui était très souvent utilisé par le régime est-allemand, vis-à-vis de l'étranger, montrer un visage extrêmement moderne, très ouvert, mais ce qui n'était pas le cas pour les citoyens est-allemands eux-mêmes. 1989, c'est sans doute par atavisme familial que je rentrais cette année-là à l'école des hautes études en sciences sociales au 54 boulevard Raspail, pour y apprendre la soviétologie, l'historiographie de l'URSS, mais également celle des satellites du bloc de l'Est. Alors, quand on a commencé à l'automne des Montagsdemonstrationen, les manifestations du lundi à Leipzig en Allemagne de l'Est, et que la grand-messe de 20h s'en faisait l'écho, les discussions familiales s'animaient. « Tu parles », disaient les uns. « Le mur est là, il est solide, et ce ne sont pas ces quelques agités qui le feront tomber. N'importe quoi », rétorquaient les autres. Ils seront de plus en plus nombreux et ils obtiendront ce qu'ils voudront. Moi, j'étais dubitatif. Pourquoi le mur tomberait-il? Pourquoi obtiendraient-ils ces manifestants du lundi les réformes démocratiques qu'ils appelaient de leur vœu, s'opposant au régime de la RDA, la République démocratique allemande? Wir sind das Volk, nous sommes le peuple, scandait-il. Dès le 15 avril, à Pékin, place Tiananmen, les étudiants et les citoyens chinois avaient dit la même chose. Et Deng Xiaoping, l'homme fort du pays, les avait fait massacrer dans la nuit du 3 au 4 juin. Pourquoi en serait-il autrement en RDA? Lorsque le 9 novembre 1989, Hélène Carrère-Dankos, notre prof d'histoire à l'EHESS, nous annonce en plein cours la chute du mur de Berlin, je sentais la mauvaise soirée en famille se profiler. Autant d'études pour ça. Intermatin, 7h03. 300 000 personnes dans les rues de Leipzig hier soir. Nous sommes de plus en plus nombreux. Wir werden mehr, clament les manifestants. Wir werden mehr! Wir werden mehr! La foule afflue en milieu d'après-midi autour de l'église Saint-Nicolas. Après la prière du lundi, première banderole, premier slogan en faveur d'élections libres. Au premier rang du cortège apparaît une banderole rouge, Gorbi ne nous laisse pas tomber. Plus loin, un portrait, un seul, celui de Gorbatchev. L'international retentit. International, passer sur les trottoirs regardent passer la foule. Beaucoup finissent par rejoindre le cortège. La manifestation se termine dans le calme. Leipzig, Paul Finnegan, France Inter. Il y a de plus en plus de monde chaque lundi à Leipzig depuis le 9 octobre. Plus de 300 000 personnes aujourd'hui, malgré la pluie, malgré le froid et malgré l'annonce d'une loi du gouvernement sur la libéralisation des voyages à l'étranger. Le gouvernement, que ce soit Krenz ou Honecker, on ne lui prête d'ailleurs aucun crédit. Les slogans qui ne donnent aucune chance aux nouveaux dirigeants réclament la légalisation de la formation politique d'opposition au nouveau forum et la tenue d'élections libres. Abattez le mur, entonne la foule sur la place Karl Marx. Auparavant, elle s'était massée autour et dans l'église Saint-Nicolas, dans un calme et un recueillement étonnant, comme si la foi avait davantage de pouvoir que le gouvernement pour briser le mur de la honte. À Leipzig, Laurent Simon, France Inter. En dessous du glacier est-allemand, des forces sont cependant en mouvement. Depuis 1982, des opposants au régime se rassemblent tous les lundis à la Nikolaiskirche, au centre-ville de Leipzig pour la Friedensgebet, la prière pour la paix. Ils appartiennent avant tout à l'église évangélique luthérienne, une église ouverte à tous. Le 9 octobre 1989, 70 000 personnes sont réunies devant l'église, une bougie à la main pour exprimer un message de paix. Des banderoles arborent le slogan des manifestants. Ohne Gewalt, sans violence. La révolution pacifique est en marche. En charge de l'église Saint-Nicolas, le pasteur Friedrich Magirius était aux premières loges. C'est la semaine de Pâques, l'église est occupée, c'est pour ça qu'on va dans une autre pièce. C'est avec Caroline Moine, notre guide et interprète, que nous allons à la rencontre de celui qui, sans le savoir, allait écrire une des dernières pages de l'histoire de l'Allemagne de l'Est. Die 80er Jahre waren geprägt von der Gefahr einer Aufrüstung in Ost und West. Dans les années 1980, le danger du réarmement était vraiment très présent avec les missiles de l'OTAN en Allemagne de l'Ouest et en Europe de l'Ouest, et puis la réponse des Russes de l'autre côté. Et on était très marqués, enfin moi personnellement j'étais très marquée, j'avais encore le souvenir très présent de la guerre, comme enfant, comme jeune, j'avais vécu la destruction de Dresde par le bombardement, et pour moi c'était, je voulais tout faire pour éviter une nouvelle guerre. Die Kirchen haben sich vereinbart, 10 Tage im Herbst eine Friedensdekade durchzuführen. Et en 1980, l'Église a décidé d'organiser 10 jours à l'automne, qui étaient 10 jours consacrés à la paix. Und als ich 82 hier anfing, mein Dienst, je suis arrivé ici, donc en 1982, quand j'ai pris mon poste ici, des jeunes gens sont venus me voir et ont dit, mais 10 jours, ça ne suffit pas, c'est rien du tout. Contre le réarmement, contre les tensions Est-Ouest, il faut faire quelque chose de beaucoup plus régulier. Et par exemple, ce serait mieux d'organiser des rencontres hebdomadaires. Et donc la direction de l'Église a donné son feu vert en disant, d'accord, si vous le faites le lundi à 5 heures, vous faites la prière pour la paix, et par contre ça doit s'arrêter à 18 heures, c'est là où l'Église doit se fermer. Et ces prières pour la paix sont devenues très connues et pour tout le monde, c'est devenu le rendez-vous. Hein, et depuis 82, en fait, à 17 heures, il y a encore ces prières qui sont devenues vraiment une institution. Matthias Middel, professeur d'histoire de la culture à l'université de Leipzig. Tout d'abord, il y a deux églises en Allemagne de l'Est, donc c'était le catholicisme avec plus ou moins 1 million des membres, et l'église protestante avec 6 millions des membres officiels. Donc il faut savoir que 2 millions membres du Parti communiste, mais 6 millions membres du protestantisme organisé en Allemagne de l'Est. Cette église qui était formée à l'échelle toute l'Allemagne dans les années 50 était une vraie force d'opposition à l'établissement du régime communiste dans les années 40-50. Et dans beaucoup des familles, la mienne aussi, il y avait un souvenir des parents qui avaient leurs expériences avec l'opposition entre le régime et l'église. Après, l'Église, surtout protestante, mais aussi catholique, a fait une sorte de paix avec le régime assez fragile dans les années 60-70, sous la notion du social, église sous condition socialiste. Et on a organisé quand même une situation où les églises, les petites communautés dans l'église étaient toujours en contact avec leurs homologues en Allemagne de l'Est. Dans les années 80, il y avait une culture de jeunesse qui voulait avoir une place libre pour leur musique, leur expression libre. Et donc les églises, les bâtiments des églises ont formé cet espace-là. Donc ce sont plusieurs éléments qui ont formé une situation où l'église était la part la plus visible de l'opposition à la fin de l'année 89. Et là, on a reconnu cette force de civil society dans l'église, société civile, dans l'église. Et après, la question était, quelle est l'institution la plus apte de fournir les nouvelles élites? Et donc, c'était les églises. Et pendant ce temps-là, la contestation continue à l'intérieur du pays. Je l'apprends à l'instant, en ce moment même, à Leipzig. Des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est défilent ce soir pour protester contre le régime. Pas de service religieux hier soir, mais du rock alternatif pour protester contre les violences policières. Révolte, volonté de démocratie, mais surtout tristesse. Chacun ici a perdu plusieurs amis dans l'exode des dernières semaines. Friedrich Magirius. Am 1. September wurden wir wieder bestellt. Et le 1er septembre 1989, donc on nous convoque une fois encore. Donc, qui nous convoque? C'est le maire de Leipzig, c'est le secrétaire du parti ici, et sans doute aussi quelqu'un qui représentait la Stasi. Et ils nous disent, maintenant, ça suffit. On ne va pas vous interdire ces prières pour la paix, mais vous les arrêtez immédiatement, on en veut plus. Alors, la situation est devenue vraiment encore plus critique et tendue lorsqu'après l'écrasement des mobilisations d'étudiants en Chine, place Tiananmen, Egon Krenz ici a dit bah, c'est comme ça qu'il faut réagir, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais tous, quelles que soient les positions qu'on avait au sein de l'Église, tous nous avons dit non, on était tous d'accord, nous continuons malgré tout, malgré cet ordre. Mais plus la situation devenait difficile et très étendue, plus le nombre de gens qui venaient s'accroissait. Et dans notre église, en fait, l'église Saint-Nicolas, on peut accueillir 2000 places assises. Et en fait, il a fallu très vite ouvrir d'autres églises, et on était 4 églises le lundi à ouvrir, comme par exemple l'église Saint-Thomas ou l'église catholique et une quatrième, pour offrir refuge à tous ces gens qui venaient pour les prières pour la paix. Les forces d'intervention spéciale, donc le responsable des forces d'intervention spéciale de Leipzig, qui devait notamment protéger les entreprises et les usines, fait la une du journal en disant « Aujourd'hui, on va enfin mettre fin à cette provocation continue. » Mais en réponse, des jeunes gens ont affiché partout, ont diffusé des tracts, on dira « Nous irons encore une fois au rendez-vous. » Et de fait, il y a eu encore plus de personnes que le lundi précédent qui sont venues dans ces églises. Je fais un papier dans lequel j'explique toutes les raisons spécialiste en histoire contemporaine des pays de l'Est. Je pense que ça y est, la glasnost et la perestroïka vont arriver en RDA, quel que soit le refus du comité central et du gouvernement, qui, vous vous souvenez, freinait des cas de fer, à tel point qu'ils étaient en désaccord avec Gorbatchev, qu'ils avaient interdit la revue Spoutnik, une revue soviétique, enfin, c'était patent. Leur opposition à Gorbatchev, je parle de l'appareil d'État, était patent. En RDA, il ne devait rien se passer, jamais. Mais au sein même de la société est-allemande, eux-mêmes avaient la conviction, les Allemands de l'Est, qu'il se passerait peut-être quantité de choses en Pologne, bien évidemment, en Union soviétique avec Gorbatchev, qui l'appelait même Gorbi, il l'aimait beaucoup, mais rien, jamais là. Et donc, je reprends mon histoire, j'essaye de faire un papier dans lequel j'explique que là, il se passe des choses, et je l'apporte à Libération, et il n'est jamais passé. Et moi, je me suis dit, mais tant mieux qu'il ne soit pas passé, parce que je racontais autour de moi ce que j'avais vu. Et je disais, mais ça bouge là-bas, ça bouge. Je n'avais qu'autour de moi des regards mais sceptiques. Et donc, finalement, le papier n'est pas passé, j'en étais presque soulagé. C'est pour vous dire le décalage entre ce qui se passait et la représentation qu'on avait à l'époque de la RDA. C'était complètement fou. De tous côtés, à part la Roumanie. Mais de tous côtés, on sentait que ça vibrait au point que ce bloc risquait d'éclater. En RDA, il ne se passait rien. Et il ne devait rien se passer. Nous sommes au centre de Leipzig, au numéro 6 de la Grimmische Straße, devant le musée dédié à l'histoire contemporaine de la RDA. Un lieu très fréquenté de la ville où le sculpteur Wolfgang Matthäuer a installé une bien étrange statue. Alors ce musée, en fait c'est un musée d'histoire contemporaine, est extrêmement important ici à Leipzig. D'ailleurs il est situé dans un lieu très central de la ville, tout près de la vieille place du marché, en face de l'ancienne mairie de Leipzig. Alors le musée est né d'une initiative qui remonte à 1992, où au niveau de l'Allemagne unifiée, il a été demandé à Leipzig de créer un lieu de documentation sur 1989. Alors Caroline, sans doute faut-il décrire cette sculpture qui rappelle l'histoire de ce pays, le fascisme, le nazisme, le communisme. C'est l'œuvre de Wolfgang Matthäuer, qui est un sculpteur, peintre, qui fait partie de ce qu'on a appelé l'école de Leipzig. La statue s'appelle « Le pas du siècle ». Et on y voit donc un personnage levant le bras droit comme s'il faisait le salut hitlérien, levant le poing gauche et rappelant ainsi le communisme. La jambe gauche est bottée et on semble reconnaître aussi avec un trait rouge un pantalon d'uniforme et qui renvoie évidemment au bras droit aussi de soulever. Et la jambe droite, elle est nue et semble, elle, par contre, un peu plus évoquer la course ou la fuite. Et donc cette sculpture est extrêmement dynamique, la tête est enfoncée entre les épaules, rappelait des moments d'angoisse, de peur et donc de fuite. Alors dites-moi, Caroline, là on est dans une partie du musée où on parle de la vie quotidienne des habitants de Leipzig. C'est quoi Leipzig avant la chute du mur? C'est ce qu'on voit là, des hommes qui essayent de se chauffer au charbon dans des maisons, dans des bâtiments complètement insalubres, où il n'y a pas l'eau courante, où il n'y a pas forcément l'électricité. La question du logement en Allemagne de l'Est est un des problèmes auxquels doivent se confronter les habitants depuis longtemps, surtout depuis les années 70, où il y a d'un côté une politique volontariste de construction de grands ensembles modernes avec eau courante, etc., des grands immeubles en préfabriqués comme on peut trouver aussi à l'Ouest à l'époque. Et face à cette politique volontariste, déjà ne suffit pas à compenser effectivement les graves problèmes d'insalubrité qu'il y a à Leipzig comme ailleurs, en Allemagne de l'Est. Et d'autre part, ces chantiers souvent se durent dans le temps. Les gens emménagent dans des immeubles qui représentent une meilleure qualité de vie, mais les chantiers durent et ils vivent souvent dans la boue, etc. Et surtout, toute la dimension plus sociale, lieu de vie en commun, lieu de loisirs, ne sont pas réalisés sur ces chantiers. Et à Leipzig, la question de l'insalubrité était assez importante. Et il y a eu parmi les formes d'action à l'époque, on voyait des banderoles en disant oui, un bâtiment qui s'abîme dans le temps, c'est aussi des gens qui, eux, en souffrent. Donc c'est un des axes aussi de mobilisation d'une large partie de la génération, jeune et moins jeune. Alors se développe une économie de troc en échange sur les murs de la ville. Il y a des lieux où on échange des petites annonces. Alors, il y a des lieux, soit dans l'entreprise, soit dans les journaux, surtout le bouche à oreille, où on échange une voiture contre un lieu de vacances, par exemple. Mais cela, c'est aussi dans la mémoire collective, c'est devenu aussi un souvenir de solidarité, de proximité. On se filait un coup de main à droite à gauche, quitte à oublier ce que cela représentait et cachait comme problèmes plus fondamentaux. Donc c'est un peu l'ambiguïté aussi de la mémoire individuelle et collective de la RDA. Et cette question du troc et voilà, des petits coups de main qu'on passe à droite à gauche fait partie un petit peu de ce discours qui évolue dans le temps et qui est associé d'abord à quelque chose d'assez négatif. Et finalement, à l'époque, on s'entraidait, tandis que maintenant, c'est l'individualisme qui domine, etc. Donc, c'est un point aussi intéressant de se souvenir de la vie quotidienne en Allemagne de l'Est. Dans cette photo qui est juste derrière vous, Caroline, elle est assez étonnante parce que on voit ce jeune homme qui tient sa mère dans ses bras, qui est complètement hilar, parce qu'ils ouvrent un colis où on va y trouver du cacao Van Houten, des Smarties, du Nutella, tous ces produits qui viennent de l'Ouest. Et on voit cette femme qui est heureuse. Alors c'est vrai que là, cette photographie renvoie au rôle joué par les paquets reçus de l'Ouest en Allemagne de l'Est, qui étaient des paquets qui étaient envoyés par la poste, soit par des associations, ou bien apportés par des grands-parents, des proches qui avaient le droit de visiter leur famille à l'Est. Et cela est évoqué dans des romans, mais aussi dans des films comme la comédie musicale Sonnenallee, avec beaucoup d'humour, cette espèce de fascination liée aux produits eux-mêmes, mais aussi à leur packaging et puis à leur odeur, etc. Certains disaient oui, déjà rien qu'en ouvrant le paquet, il y avait l'odeur du chocolat ou l'odeur, etc. Et c'était aussi à la fois des produits de consommation pour se nourrir, mais aussi les vêtements, les fameux jeans, et puis aussi le trafic de musique, parce que ça c'est aussi jouait un rôle important, les musiques, certains disques que l'on se faisait passer de l'ouest en est, etc., et des cassettes qui permettaient de diffuser ce qui était entendu par ailleurs, par la radio et à la télévision ouest-allemande, qu'on entendait et qu'on écoutait en Allemagne de l'Est. Mais évidemment, posséder chez soi ces musiques, c'était une toute autre chose. Les Gespräche, die Aktivitäten meiner ehemaligen Freunde berichten. Und ja, das war eigentlich. Caroline, on est dans ce musée qui raconte donc tout ce passé de l'Allemagne de l'Est. Là, on est devant une armoire qui visiblement renferme des dossiers de la Stasi. C'est qui ces gens qu'on entend ? En fait, c'est assez intéressant comme dans cette partie du musée, parce qu'effectivement, il y a les dossiers de la Stasi. Et puis sur un écran, on ne peut pas vraiment reconnaître, mais on devine des visages. Et on entend les témoignages d'un psychologue qui a travaillé au sein de la police politique de la Stasi, ou des membres inofficiels, ceux qui surveillaient et qui travaillaient pour la Stasi sans être officiellement membres de ce ministère. Et c'est donc des témoignages croisés d'hommes, de femmes qui reviennent sur leur engagement. À quelques encablures, le long du ring, sorte de boulevard circulaire faisant le tour de la ville, se dresse le Muséum in der Roten Ecke, le musée de la Stasi. Tout est resté un petit peu, on pourrait dire, un peu dans son jus. La décoration, l'odeur, la lumière, etc., la luminosité. Et c'est un endroit, du coup, très très particulier de cette mémoire de la RDA. Oliver Klaus, vous êtes une personnalité importante dans le processus qui a conduit à 1989, puisque à Dresde, le 13 février 82, déjà, vous lancez un appel. C'est un appel à quoi ? À l'insurrection ? Oliver Klaus, politologue et philosophe subversif. En fait, c'est un peu par provocation que je me suis lancé dans cet engagement, parce qu'à 17 ans, on m'a demandé de travailler pour la Stasi, hein, de faire partie de tout ça, là, ce qu'on a ici sous les yeux. Et je faisais des études pour devenir professeur, enseignant, et on m'a menacé en disant si je n'accepte pas, je dois arrêter mes études. Et après 2 ans, j'ai dû de fait arrêter puisque j'ai refusé de travailler pour la Stasi. Et le recteur même m'avait dit, bon, vous n'aurez plus de chance de pouvoir même faire d'études, où que ce soit, en RDA. Du coup, j'avais deux possibilités. Soit je demandais le visa pour partir, pour passer à l'Ouest, mais ça pouvait attendre, ça pouvait durer 10 ans jusqu'à ce qu'on l'obtienne, ou bien... Je me suis dit, je vais les embêter. De cet état, je vais être là pour les provoquer et pour être l'élément gênant. Man kann nicht allein irgendeine große Sache verbocken. Et du coup, je suis retournée à Dresde où j'avais passé mon enfance et j'ai cherché des personnes avec qui je pouvais justement, je pouvais partager cette position. Et j'en ai rencontré, souvent plus jeunes que moi, alors que moi j'avais 19 ans. Et voilà, et j'ai fait la connaissance de cette scène punk, où les derniers hippies, qui étaient très présents, alors que la société est-allemande était de plus en plus militarisée. On vient de sortir de ce bâtiment, anciennement de la Stasi, transformé aujourd'hui en musée, et devant nous, le ring, un endroit fondamental, emblématique de ce qui s'est passé en 89. Verlangsamung der Demonstration, wenn wir hier vorbeigingen. Also die kamen von da hinten und gingen dann in die Richtung. Ja, und es war, hier drin waren die Fenster verdunkelt damals. Also man hatte die irgendwie, und bei einer Demonstration war zu sehen, dass die Fenster verdunkelt sind, also dass die drin sitzen. Ne? Da war ein Spalt an der Fensterscheibe zu sehen, dass drin Licht brennt. Und da stockten auch die Demonstranten dann und dachten, okay, jetzt könnte das eine Falle sein oder sowas. Ne? C'est vrai que cet endroit-là, dans le parcours de la manifestation sur le ring, était toujours un endroit particulier où les manifestants ralentissaient un peu. Parce qu'il faut savoir que les fenêtres à l'époque du bâtiment étaient, étaient fermées, voilà, sombres. Et une fois en passant, on a vu tout d'un coup quand même un petit peu un filet de lumière. Et on s'est dit, tiens, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur, qui observent. Et est-ce que ça ne pourrait pas être un piège en fait ? Oliver Klaus, vous revenez à Leipzig en septembre 1982. Also ich kam nach der Aktion in Dresden, kam ich im gleichen Jahr, im September 82, nach Leipzig, um am größten donc, Nichtstaat... En 1982, donc la même année où il y a eu cette action à Dresde en février, je suis partie à Leipzig parce que c'était là où il y avait une des rares institutions non étatiques où moi je pouvais étudier, qui était donc pour étudier la théologie. Et beaucoup de jeunes gens, en fait, de tout le sud de la RDA, se rendaient à Leipzig pour justement pouvoir étudier dans cette institution non étatique. Et le deuxième élément positif, en fait, qui m'a aidé, c'est le fait qu'en 1985, justement, est arrivé aussi de Dresde à Leipzig le pasteur von Berger, que j'avais rencontré à Dresde, et qui arrive donc à Leipzig. Et on s'est dit, voilà, on peut ensemble créer un groupe sur les droits de l'homme pour parler de la défense des droits de l'homme de manière publique. Et dans ce groupe, il y avait plusieurs personnes qui avaient déposé une demande de départ vers l'Allemagne de l'Ouest. So, weil wir im Vergleich zu den Berlinern waren wir viel jünger. Das muss man auch dazu sagen. Nous ne sommes peut-être pas très typiques des mouvements d'opposition en Allemagne de l'Est, notamment par rapport à Berlin-Est. On était déjà plus jeunes, nous, à Leipzig. Et puis toute la question de la réforme du socialisme ou un socialisme à visage humain, pour nous, c'était une affaire réglée depuis 1968 et Prague. Et nous, ce qu'on voulait, c'était mettre fin à cet État. Also wir nahmen uns sozusagen die Charta 77 von Anfang an als Vorbild. Und sahen, okay, die Polen haben auch was geschafft, vielleicht kriegen wir auch was hin in der DDR. Das war so unser Et on a agi avec quelques modèles, on voyait qu'en Pologne cela avait abouti pour faire changer des choses. On avait aussi l'exemple de la Charte 77 en Tchécoslovaquie et on a pris contact avec des personnes venant de Tchécoslovaquie, venant de Pologne, et on discutait aussi avec ces personnes sur la manière, les différentes actions possibles. Et on se rendait compte vraiment que tous étaient beaucoup plus avancés que nous en RDA. En 1987, on a décidé de créer un groupe de travail, Gerechtigkeit, donc la justice pour un état de droit. Ce groupe était formé des étudiants du séminaire de théologie, dans lequel je faisais partie. Et on a décidé de créer un groupe de conspiration. Dont il s'agissait de toucher l'opinion publique, mais en même temps, son organisation interne devait relever comme ça de cette action de conspiration, puisque pour renverser un État qui travaillait de manière conspirative, eh bien, il fallait aussi agir de manière conspirative. Das war eine ganz andere spannende Geschichte, dass die in der DDR was verändern wollten und die anderen wollten eigentlich schnell weg aus der DDR. Und das war dann oft vor allen Dingen in der Messezeit in Leipzig, immer im Frühjahr und im Herbst. Christophe Wonneberger, ancien pasteur instigateur et coordinateur des prières pour la paix dès 1982 et des marches pour la paix de 1989. C'est un aspect très intéressant de cette période, de voir comment les gens ont réagi face à cette situation. Il y a ceux qui voulaient partir et ceux qui voulaient rester pour changer les choses de l'intérieur, changer le régime et le pays. So. Und da haben dann natürlich einige von unseren Gruppen haben versucht, diese Friedensgebete. C'est au moment des grandes foires du printemps et de l'automne qui ont lieu à Leipzig qu'ils ont été de plus en plus nombreux à oser descendre dans la rue. Et en septembre 1989, après la pause des vacances, puisqu'il n'y a pas eu de prière pendant l'été, alors que les départs avaient été de plus en plus massifs, la police est intervenue. Elle a arrêté des manifestants et à partir de ce moment-là, certains de nos groupes ont essayé d'utiliser ces manifestations qui étaient organisées par les autres pour atteindre notre objectif, tenter de changer le système est-allemand. Et c'est vrai que la présence des journalistes étrangers était très importante, notamment lorsqu'en septembre, il y a eu de plus en plus de banderoles sur lesquelles était inscrit « Nous, nous voulons rester ici ». Septembre a été un tournant, car nous avons utilisé ces manifestations pour faire passer notre message. Un Glücksfall. Also die Polizei hat eben nicht also Gewalt ausgeübt. Sondern die haben sich zurückgehalten. Und das war natürlich en septembre 1989, on a eu de la chance, puisque la police s'est retenue. Elle n'a pas réprimé cette première manifestation, et pour nous, ça a été un signal. Si ça s'était bien passé, ça voulait dire que la semaine suivante, on aurait trois fois plus de personnes avec nous dans la rue. Was uns da erwartet, gibt's vielleicht ein, dass das Gefühl, sozusagen alles wieder zurückzudrehen, also und zu sagen, also jetzt wird also die Polizei zuschlagen und sagen, das lassen wir uns nie mehr bieten in der Öffentlichkeit. Das war ja eine Gewitterklima in der Stadt. Et ce jour du 9 octobre, l'ambiance était très très tendue à Leipzig. On se demandait ce qui allait se passer. On se disait que ça serait peut-être le début d'une guerre civile, ou alors, au contraire, quelque chose d'autre, de positif allait se produire pour nous à la suite de cette soirée. Ausprobieren im Leben, nicht in der DDR, sondern irgendwo anders. Aber das war für mich nicht das Thema. Also europäische Perspektive war für mich da. Also das ist jetzt, also dass Berlin natürlich die Mauer eine größere Rolle spielt als in Leipzig, das ist schon klar, weil die hat man ständig in der Nase, also die Mauer. La question du mur était une vraie question pour ceux qui voulaient quitter la RDA, qui aspiraient à atteindre la liberté individuelle dans leur vie, mais en dehors de l'Allemagne de l'Est. Moi, j'étais plus dans une perspective européenne, et c'est dans cette perspective que je voulais m'engager et agir. Alors bien sûr, à Berlin, le mur qui était bien présent physiquement pour les habitants a joué un rôle plus important qu'ici à Leipzig. Mais en même temps, les gens qui ont organisé le grand rassemblement sur l'Alexanderplatz, c'était des artistes, des acteurs, des intellectuels qui ne parlaient pas de la question du mur. Pour eux, il fallait se libérer, mais en RDA, à l'intérieur du pays. Il y avait un énorme espoir dans des réformes possibles. Le socialisme, le véritable socialisme, vous savez, Sonia Combes. En RDA, moi je fréquentais beaucoup de gens qui étaient au parti, membres du parti, et c'était des esprits critiques. Ils espéraient énormément encore dans le socialisme, mais ils n'étaient pas les seuls. Rappelez-vous, nous les années 80, la période Mitterrand, on y a encore cru, même si on ne pensait pas que ça serait le socialisme parfait. Mais on savait que ce ne serait pas un socialisme à la soviétique. Et la justice sociale, les conquêtes sociales, etc., on y croyait. Et là-bas, ils étaient prêts à se battre pour ça. Bien sûr, et ils voulaient rester. D'ailleurs, il y a eu une manifestation de Dresde. À Dresde, les gens des foules sont allées rejoindre la gare où passaient des trains de jeunes qui quittaient la RDA et ils passaient par la Hongrie. Pour rejoindre la RFA. Et il passait par la gare de Dresde. Et donc, il y a eu des manifestants qui sont allés les voir passer les trains. Et eux, ils disaient « Wir bleiben hier !» Nous, on reste ici. On veut faire changer les choses de l'intérieur. So. Also wir starten jetzt hier am Hauptbahnhof. Frank-Heinrich Müller, photographe. In dem wir uns getroffen haben. Donc on va commencer par la gare qui se trouve juste à côté de l'hôtel où nous sommes retrouvés. Donc là, nous retrouvons sur le ring, qui est donc ce boulevard qui fait le tour de la ville. So wie wir jetzt unterwegs sind, also Richtung Westen fahren, sind wir auch gelaufen. Also wir sind am Bahnhof vorbei und sind einmal hier das Kaufhaus herum. Donc là, on remonte le ring vers l'ouest, et à l'époque, c'est dans ce sens-là qu'on a manifesté en partant de la gare. Et ici, on passait donc devant ce grand magasin, Kaufhof, et en fait, il y avait une passerelle qui n'existe plus, et de cette passerelle ont été prises beaucoup des photographies qu'on connaît de ces manifestations, où en fait, il faut imaginer qu'il n'y avait pas le tram, et c'était rempli de monde. Ici, maintenant, il y a ces trois voies, enfin, six voies, plus le tram, et à l'époque, tout était rempli de noir de monde. So ein kritischer Moment ist das Gebäude hier auf der linken Seite. Das ist die ehemalige Stasi-Zentrale. Da gibt es auch ein Museum drin. Donc ici, à cet endroit, le ring tourne et on se trouve devant l'ancien centre de la Stasi. Et le 9 octobre, c'était un moment critique puisqu'on ne savait pas, en passant devant ce lieu, ce qu'il allait se passer. À l'intérieur, ils avaient peur qu'on rentre de force pour s'emparer de ce lieu symboliquement très, très fort. Surtout qu'à l'époque, ce n'était pas un musée, c'était une réalité. Et en fait, le 9 octobre, on est passé devant et rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu de violence. Jetzt fahren wir hier auf dieser Strecke weiter und sind auf der Höhe der Wirkstätte von Johann Sebastian Bach. Also die Kirche. Alors là, on continue en passant devant l'église, la Thomaskirche, l'église où exerçait Bach, et ensuite devant la mairie de Leipzig. Et ensuite, on continue, on va encore tourner pour arriver sur la Augustusplatz. Und diese Runde, die wir jetzt gemeinsam in dem Auto realisieren, die sind wir Also nicht jedes Mal gelaufen. Donc le trajet que l'on fait maintenant là en voiture ensemble, à l'époque on le faisait à pied et on l'a, le 9 octobre ça a été un moment important, justement c'est la première fois où on l'a fait depuis la Nikolaikirche, et donc jusqu'à la Augustusplatz. Augustusplatz gelaufen sind. So, jetzt sind wir unmittelbar vor dem Augustusplatz. Auf der linken Seite umfahren wir jetzt das Gewandhaus. Là, nous arrivons à la Augustusplatz. On passe devant le Gewandhaus, qui est là à gauche, et qui est ici depuis la fin des années 70. Et nous allons donc nous installer en haut sur la terrasse de cet hôtel, depuis laquelle on va pouvoir avoir une vue sur l'ensemble de la place et je pourrai vous raconter encore ce qui s'est produit. Le 9 octobre 1989. Den anwesenden Sicherheitskräften zu sagen, so, wir sind das Volk und vergreift euch nicht an uns. Il s'agit des deux caméramans photographes qui ont filmé clandestinement depuis du haut d'une église à Leipzig la manifestation du 9 octobre. Et ils racontent comment ils ont étaient eux-mêmes évidemment assez émus par cette situation qui était totalement nouvelle pour eux et comment, alors que c'était dans le noir, ils ont ce qui était devenu très calme, ce qui était au début très calme, tout d'un coup ils entendent peu à peu le brouhaha de la foule et ils se rendent compte du nombre de personnes présentes et ils entendent ce qu'ils scande, donc pas de violence, nous ne sommes pas des hooligans, nous sommes le peuple. Heinrich, on est donc sur la terrasse de cet hôtel dont vous nous parliez tout à l'heure. Pourquoi cet hôtel est un endroit stratégique et pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui, 30 ans après les événements que vous avez connus en 1989 Je peux meinen Gästen von hier oben zeigen, wo diese wichtigen Dinge an diesem 9. Oktober stattgefunden haben. Depuis le haut de cet hôtel, comme ça, je peux bien montrer comment le chemin qu'on a pris depuis l'église jusqu'ici, et ensuite comment on s'est mis en route sur le ring tout autour de la ville. Et puis montrer les endroits où il y avait les haut-parleurs qui diffusaient des annonces qui nous demandaient à nous tous, les manifestants, de rester calmes, de ne pas faire preuve de violence, etc. Et puis aussi de ces haut-parleurs, on a pu entendre les messages, y compris du chef d'orchestre Kurt Masur, qui était dans la salle d'orchestre Gewandhaus et qui a joué un rôle très important à l'époque. Et donc pour moi, c'est un lieu important pour resituer ces différents aspects. Heinrich Magirius. Et le 9 octobre 1989, donc une heure avant la prière, en fait, toutes les églises étaient toutes complètement pleines. Et la place aussi près de l'église Saint-Nicolas était complètement remplie, alors même que dans les rues adjacentes se trouvaient pourtant les policiers, les chars d'assaut, etc., qui est très menaçant, mais les gens, malgré tout, ont décidé de venir. Il a fallu quand même une heure pour que l'endroit ici, cette place devant l'église Saint-Nicolas, se libère des derniers manifestants, et parce que peu à peu, les gens quittaient la place pour aller défiler et marcher sur le ring tout autour de la ville, et nous, on était les tout derniers. On était quand même 70 000 personnes ce soir-là. On s'attendait, nous, à être attaqués, à ce qu'il y ait de la violence. En fait, que ce soit la police ou les autorités locales ont appelé Berlin pour avoir un peu savoir que faire, parce qu'ils disaient, mais on ne s'attendait pas, ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pensait, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et personne ne leur a répondu. Et donc, face à ce silence, ils ont décidé de ne pas intervenir, et c'est comme ça que tout s'est déroulé, finalement, sans violence et sans répression. Dachte, jetzt müssen wir neu beginnen und bot Gespräche an. Aber das war viel zu spät. Alors le parti a décidé ensuite d'envoyer des personnes pour discuter, pour dialoguer, mais c'était trop tard. Le lundi suivant, on était plus de 100 000, et ensuite 300 000, et les gens venaient vraiment de partout. Et la peur qui était là au début, lors des premières manifestations du lundi, des marches du lundi, avait disparu. Et les gens ont commencé à apporter aussi des banderoles, des cartons, on pourrait dire, montrer haut et fort, quelles étaient leurs revendications. Et on peut vraiment dire que là, c'était le Aufbruch zur Demokratie, donc c'était l'émergence de la démocratie. Das ist am 9. November. Mais en fait, c'est la date qui a posé problème. Oliver Klaus. Le problème était cette date qui, historiquement, était déjà tellement marquée, chargée de sens, le 9 novembre. Et ça n'aurait pas pu être moins bien choisi, en fait, la date. Et c'est ça ce que j'ai pensé. Parce que le 9 novembre, c'est le pogrom de 1938. Et c'est aussi l'écrasement de la révolution après 1919, etc. Et c'est pour ça que le 9 novembre n'a pas été choisi comme la date de la fête nationale, parce que c'était trop marqué par des épisodes beaucoup plus négatifs dans l'histoire allemande. Alors Sonia Combes, lors de la grande manifestation du 4 novembre 1989 à Berlin-Est, la plus grande manifestation jamais organisée à Berlin-Est, personne ne s'attendait à ce que le mur chute, tombe 5 jours plus tard. Comment c'est possible ? Ah mais ça c'est très clair, personne ne s'attendait à cela, pas plus ceux qui manifestaient à Berlin ce jour-là, Berlin-Est, que ceux qui manifestaient à Leipzig. Même pas les espions, qui étaient nombreux, n'ont compris ce qui se passait. Pas un seul diplomate, pas un seul universitaire, spécialiste de l'Allemagne de l'Est. Et Dieu sait si la RFA, en Allemagne de l'Ouest, il y avait toute une école de spécialistes de la RDA, d'historiens, sociologues, qui scrutaient ce pays. Personne n'a vu, moi non plus d'ailleurs, hein, même si j'avais fait ce papier, personne n'a vu ça. 3 jours avant la chute du mur, on ne pouvait absolument pas imaginer que le mur allait tomber. Ça, c'est une énigme de l'histoire, c'est vrai. Ich war noch immer nicht zufrieden mit dem 9. November. Aber gut, ich dachte erstmal, ich werde jetzt nicht sofort in den Westen reisen, weil quand je me réveille le 10 novembre au matin, je ne suis toujours pas content que ça s'est passé le 9 novembre. Et la première chose que je me dis aussi, que je ne vais pas tout de suite aller à l'Ouest comme tous vont le faire. Et reste plutôt ici, je me dis. Et de fait, je n'y suis allée qu'en décembre 1989. Et de toute façon, c'était clair. Voilà, on avait tout le temps maintenant pour passer à l'Ouest. Et je me suis dit, je ne vais pas aller tout de suite à l'Ouest. Parce que je me suis dit aussi que là, ça risquait de compromettre quand même tout ce qu'on avait construit, hein, nous, les groupes d'opposition, que ça risquait d'être plutôt désastreux sur cette dynamique qu'on avait initiée auparavant. Parce qu'on avait loin d'en avoir fini avec le SED qui était encore présent et qui avait encore plein pouvoir à cette date-là. Ah, ça a été une capitulation totale. Toute personne qui passait l'Est, qui allait à l'Ouest, recevait ce qu'ils appelaient Begrüßungsgeld. On leur donnait 100 marques. Alors évidemment, ils allaient chercher leurs 100 marques. C'était énorme, 100 marques, comme pouvoir d'achat. Et ils achetaient tout ce qu'ils pouvaient acheter. Bon, moi, je connais quantité de gens qui n'auraient jamais, se seraient jamais abaissés à aller chercher les 100 marques. Alors le mépris de la RFA pour la RDA, mais jusqu'à aujourd'hui, mais bien sûr, ça perdure. 30 ans après, vous avez ça, vous avez ce sentiment qu'ont beaucoup d'Allemands de l'Est qui ont pourtant appelé de leur vœu la réunification, sentiment d'être, on leur explique encore qu'ils ne sont pas matures, ils ne savent pas ce que c'est que la liberté, ils souffrent même de trop de liberté, qui sont trop disciplinés, qui sont immatures, voilà. Parce que l'État est-allemands les auraient été trop paternalistes, les auraient trop protégés. Donc, évidemment, là où ils ne savaient pas faire, ils ne savaient pas comment aller ouvrir un compte en banque et ils ne savaient pas comment placer de l'argent pour spéculer. Mais bien sûr, des choses comme ça, ils ne savaient pas les faire. De même qu'ils pouvaient se faire avoir pour acheter un logement ou pour en louer un. Ils ne connaissaient pas les codes du monde capitaliste, mais sur le reste, ils n'étaient pas plus immatures que les Allemands de l'Ouest. Oui, mais alors le mépris, alors après, ça a été surtout quand même 80% des industries qui disparaissent, qui sont jugées non viables. Alors on apprend maintenant, aujourd'hui, c'est incroyable, telle usine, par exemple, je n'ai pas l'exemple en tête, malheureusement, telle usine a été fermée alors qu'elle produisait, elle avait des produits de qualité et qui se défendaient bien, elle était capable de dégager du profit, puisqu'il fallait dégager du profit. Elle était capable, elle était viable. Pourquoi elle a été supprimée? Parce qu'il y avait une entreprise en Allemagne de l'Ouest qui produisait les mêmes choses et qui voulait conserver le monopole. Donc, hop, la Treuhand, la société fiduciaire, qui est chargée de liquider littéralement la RDA sur le plan économique, hop, la sacrifie. Mais ça veut dire sacrifier je ne sais combien d'emplois, vous voyez. Alors il y a aussi, là où ça a été terrible, ça a été à l'université et dans tout ce qui était la recherche, le monde de la recherche. Là, ça a été le Abwicklung, on leur a fait passer, on les a, vous savez, on a évalué tous les chercheurs, tous les professeurs, etc. Et on a, dès qu'il y avait une petite tâche de complicité avec la Stasi ou un trop grand lien avec le parti, j'en sais rien, bon, on a profité pour les liquider, parfois pour d'excellentes raisons, hein, oh là là, faut pas dire, il y avait quand même, il y avait des gens qui ne méritaient pas du tout leur poste, mais ça a été fait, mais dans des conditions, mais extrêmement humiliantes pour les Allemands de l'Est. Dans l'immédiat, cette société s'est enrichie. Enfin, enrichi. Dans ce sens qu'ils ont accédé à une sorte de bien-être matériel appréciable. Et ils en ont été heureux. C'est vrai que l'Allemagne de l'Ouest, en ce sens, les a achetés. Mais à quel prix? À quel prix? Sur le plan symbolique, avec effectivement ce regard surplombant et méprisant. Quand vous imaginez que 80% des enseignants de l'université de RDA ont été remplacés par des enseignants de l'Ouest. Ce qui perdure, c'est ce sentiment d'humiliation qui est transmis encore. Ceux qui sont nés après la chute du mur, maintenant. Mais l'humiliation subie par les parents, ils la vivent encore de la même façon que les parents qui ont été réprimés par le régime, ils vivent encore le traumatisme de leurs parents. Heinrich Magirius. Dernière remarque que j'aimerais bien faire, c'est que on ne peut que regretter que l'Allemagne de l'Ouest, la République fédérale, ne nous ait jamais demandé ce que nous on voulait. Et ils nous ont mis devant les faits accomplis, ils nous ont dit voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est le chemin qu'on va suivre. Et c'est ce qu'on avait déjà vécu du temps de la RDA, hein, qu'on nous dise voilà, c'est vers là que vous devez aller et vous suivez. Alors qu'en fait, il y avait deux variantes possibles de l'unification allemande. Une, c'était d'être absorbée par l'Allemagne de l'Ouest, celle qui a eu lieu. Mais l'autre variante, ça aurait été d'avoir, grâce à une élection, un choix collectif pour réfléchir et pour choisir ensemble sous quelle forme l'Allemagne unifiée prendrait un nouveau départ. Et, mais moi, par exemple, on m'a jamais demandé mon avis, ce qui n'est pas en soi très démocratique. Merci à Sonia Combe, Oliver Klaus, Christophe Vonneberger, Matthias Middel, Frank Heinrich Müller, Friedrich Magirius et Caroline Moine. Merci également à Dominique Treyou, Frédéric Barriera, Roman Krakowski et à Matteo Morillon pour son aide précieuse. 1989, le début de la fin de l'histoire, le mur est tombé à Leipzig. Réalisation Guillaume Baldi, mixage Alain Joubert, archivina Hervé Evano, coordination Marie-Vonna Bolivier et Perrine Kervran, un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série documentaire.